Donc, dans l'étude de l'écriture cinématographique, il est intéressant de se demander ce qu'a voulu montrer le réalisateur. Est-ce qu'il y aura une autre séquence où on peut aller... Ah, vous pouvez aller ouvrir, mais peut-être... Donc, il est intéressant de se demander ce qu'a voulu montrer le réalisateur, ce qu'il a choisi de montrer et avec quels éléments cinématographiques. Alors, on constate d'abord que Marine Kermit, ça recourt au son, l'atmosphère est bruyante. Alors, on ne l'a pas vu puisqu'on a commencé direct, mais en fait, juste avant, il y avait une petite musique, c'était tout doux, et d'un coup, on rentrait dans l'usine et c'était très très bruyant. Donc, déjà, l'atmosphère bruyante, mais aussi on a donc une succession de plans. On a d'abord un plan avec un plan rapproché des mains croisées derrière le dos d'un contremaître, qui fait rouler entre ses doigts un crayon et une feuille de papier, signe du pouvoir d'infliger des sanctions. Ensuite, on a un plan du visage de la contre-maîtresse en déplacement, qui n'a pas l'air commode. Ensuite, on a un gros plan du chronomètre, puis un plan de l'horloge suspendue aux poutrelles de l'atelier, qu'une ouvrière regarde, et d'ailleurs, on pourra remarquer que c'est celle qui va être en proie à la crise après. Puis enfin, on a un accrochage entre une ouvrière et la contre-maîtresse qui s'en prend ensuite par une autre. Qui s'en prend ensuite à une autre, donc deux accrochages successifs. Puis la séquence se poursuit par une série de plans, en fait, d'ouvrières au travail. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'elles ont l'air plutôt calmes, comme si elles prenaient sur elles, comme si tous les éléments... que je viens d'évoquer, rester extérieur à elle. Et dans ce plan, on a aussi un autre élément qui s'ajoute, qui est le plan d'une ouvrière qui fait passer les bannettes, en fait, et donc qui signifie le rythme de la chaîne. Alors, l'une d'entre elles tente alors de réparer sa machine à coudre. Lorsqu'elle relève la tête, elle s'aperçoit que donc, la chaîne a avancé et qu'elle a pris du retard. La caméra s'arrête alors sur son regard. Le plan suivant passe à une autre ouvrière, tandis qu'on entend des cris. La caméra revient alors sur la précédente ouvrière, en proie à une crise nerve. Donc elle se lève, jette les corbeilles, crie qu'elle en a marre, etc. Donc on voit comment immédiatement les contremaîtres se jettent sur elle, puis après dans la foulée comment les autres ouvrières la rejoignent et essayent de la réconforter, la prennent dans leur main. Alors, donc... Carmine a donc choisi ici de montrer une ouvrière en proie à une crise nerve parce qu'elle a dû réparer sa machine et qu'elle a pris du retard. Le regard de l'ouvrière est ici déterminant. On y lit l'accumulation des pensées, de la charge mentale en d'autres termes, et la goutte d'eau que constitue finalement le retard pris. C'est-à-dire que tout allait plutôt bien jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'elle avait pris du retard. L'ensemble donc des éléments accumulés précédemment constitue autant de charges mentales. On a le bruit qui crée le stress. On a le contremaître qui crée la pression de la hiérarchie, le contrôle, qui est illustré aussi par l'accrochage entre la contremaîtresse et l'ouvrière. On a le chronomètre qui donc signifie le temps, le rendement de la chaîne. Et on a l'horloge qui peut signifier deux choses, qui peut signifier le temps aussi, la pression du temps, mais qui peut signifier, et là il semblerait que ce soit plutôt le cas, l'attente de la fin de la journée, puisqu'elle indique 16h45. C'est vraiment l'idée de la fin de la journée. Donc la caméra, donc, dans la montée en puissance, cherche à nous faire vivre ce que ressent, perçoit, pense une ouvrière. L'accumulation correspond en fait à la perception des ouvrières, à la perception donc, qu'ont les ouvrières, enfin, ce qu'elles ressentent, ce qu'on ne voit pas, même si justement on a l'impression qu'elles sont posées, l'impression qu'elles sont calmes, mais en fait c'est l'accumulation qu'elles prennent sur elles. Cette séquence montre donc à quel point les travaux répétitifs, contrairement aux idées reçues, occupent le cerveau. Donc, dans les effets des conditions de travail sur la santé des travailleuses, Catherine Tégé montre à propos d'ouvrières d'usines de confection et d'électronique que si on ne peut pas mesurer ce qui se passe dans la tête de l'ouvrière, son cerveau est actif, elle prend sans cesse des décisions, même si cela ne se voit pas, en particulier elle note, et là je cite, la couture d'un gant s'appelle cycle de travail. Dans à peu près 6 cycles de travail sur 10, il se produit un incident, soit que le fil casse, soit que le tissu n'est pas conforme, fait des plis. Autrement dit, il se passe quelque chose qui n'est pas prévu, il se produit une rupture du rythme de l'activité et l'ouvrière est obligée de travailler beaucoup plus vite après pour récupérer le temps perdu. Donc, selon Catherine Tégé, c'est le fait que les travaux répétitifs occupent complètement le cerveau sans pour autant qu'il n'ait un quelconque intérêt qui explique pourquoi les femmes, je cite encore, faisaient des crises de nerfs comme ça, de temps en temps, en faisant le travail, et pourquoi elles se plaignaient de fatigue nerveuse. L'expression courante qui révèle la nécessaire concentration des ouvrières est le fait de faire attention. Madeleine Guilbert le relève déjà dans les fonctions des femmes dans l'industrie. On la trouve aussi dans les témoignages des ouvrières dans les journaux et revues des années 68. Par exemple, dans les cahiers de mai, il est clairement expliqué à propos de nouvelles machines, je cite, « Elles sont plus rapides que celles que les ouvrières utilisent couramment. Elles sont aussi beaucoup plus fatigantes parce qu'il faut faire beaucoup plus attention. » Carmitz a donc choisi d'évoquer le cas d'une chaîne, mais d'autres situations conduisent à la crise de nerfs d'ouvrières quand elles sont en rendement individuel sur des postes d'indépendants, par exemple. Et donc là, c'est le cas d'un extrait d'entretien que je vous ai fait passer. Donc il s'agit de Pascal Silbeau, qui a travaillé chez Chantel, et qui raconte dans un entretien réalisé en 1985, pas par moi, mais pour une exposition sur les femmes à l'usine et qui a été déposée au CHT, elle note, je crois que sur le rendement, on peut dire que c'est épuisant nerveusement par rapport à quelqu'un qui est à la chaîne, parce que dans le travail, il faut considérer qu'il y a la chaîne et le rendement. La chaîne, c'est vrai que c'est dur parce qu'il faut suivre la machine. Là, c'est la machine qui détermine ton rythme. Tandis que là, c'est toi, en fait, qui détermine ton rythme. Ça veut dire que quand l'été, il fait très chaud, quand t'es crevé et tout, tu regardes, tu te dis « Oh là là, j'ai perdu un quart d'heure, après j'ai perdu une demi-heure. » Et quand tu commences à perdre du temps, alors là, c'est affolant parce que ça se multiplie. T'essaies d'accélérer et puis ton corps ne veut pas accélérer et ta tête voudrait bien accélérer. Et là, c'est vraiment genre crise de nerfs. Ici, on note que ce qui accentue la charge mentale, c'est le fait que l'ouvrière elle-même détermine son rythme et elle se met, entre guillemets, la pression toute seule pour faire du rendement. Bon, c'est bien que c'est pas elle-même qui se met la pression, c'est l'organisation du travail en général qui conduit à ce type de mode de fonctionnement. On peut noter aussi ici le rapport du corps à l'esprit. Ce dernier voudrait accélérer, mais le corps ne veut pas, et c'est ce décalage qui crée la crise de nerfs. Et finalement, c'est souvent le cas. L'accumulation de la charge mentale à laquelle s'ajoute l'impossibilité physique de suivre conduit à une souffrance mentale et donc à la crise de nerfs, qui finalement devient une preuve des conditions de travail des ouvrières. Donc, c'est ma deuxième partie. Alors, seules les femmes semblent être victimes de crises de nerfs, de maladies nerveuses, de dépression nerveuse. Dans le dossier d'Antoinette, dont je parlais tout à l'heure, donc de juillet août 1968, il est donc question de. Il fait appel à un médecin qui va nous parler donc des nerfs. Et donc dans le petit chapeau introductif de la revue, il y a la justification de cet article, donc on a plusieurs citations. Entre autres, elle a ses nerfs, elle est victime de dépression nerveuse, tout un tas d'expressions qui sont utilisées à l'époque, mais qui sont toujours au féminin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on lit donc l'ensemble du dossier, donc il fait intervenir le docteur Tony Lenn, l'aîné, il n'est à aucun moment spécifié que cela concerne davantage les femmes. Alors après, il faudrait là-dessus confronter à d'autres écritures médicales pour voir si c'est toujours le cas. Ça, je sais pas trop, mais en tout cas là, c'est assez intéressant. Alors bon, comment donc on peut expliquer ce phénomène? Pourquoi est-ce que les femmes sont donc davantage victimes de crises de nerfs? On peut là-dessus avancer trois éléments d'explication. Alors, un premier élément d'explication qui est les manifestations de souffrance sont différentes parce que les travaux sont différents. Alors, Daniel Cardoat, reprenant les travaux de Madeleine Guilbert, a déjà montré les différences entre les conditions de travail des ouvriers et celles des ouvrières dans les années 68, donc je ne reviens pas là-dessus. Et selon Christophe Dejour, ces situations de travail différentes expliqueraient les manifestations différenciées. Il dit, je cite, « Aucune description clinique de la souffrance ne pourrait être valable à la fois pour les hommes et pour les femmes. Certaines souffrances sont masculines, d'autres souffrances sont féminines. Elles ne sont pas similaires parce que les situations de travail qui les génèrent ne sont tout simplement pas les mêmes. » Donc on voit que c'est un premier élément d'explication. On a un deuxième élément d'explication qui peut justifier ça. Qui est, elles ont en plus à s'occuper du travail domestique. Donc, aux conditions de travail spécifiques des ouvrières, s'ajoute le travail domestique qui leur incombe. Il est intéressant de constater que dans de nombreux témoignages retranscrits dans les revues féministes ou dans Antoinette, les ouvrières Derrière, relie leur nervosité liée aux conditions de travail à leur comportement chez elles. Donc, dans un entretien avec deux délégués CFDT d'une entreprise, donc Boussac Saint-Frère, réalisé fin octobre 1981 donc par les Cahiers du féminisme, les rédactrices notent « Les ouvrières reproduisent en dehors de l'usine la même course de vitesse. Nicole nous dit, au magasin, quand on va faire les courses le soir, on n'a pas la patience de faire la queue, même à la maison, tout doit aller vite. Mon mari me dit tout le temps, fais pas à l'usine ici. » Les ouvrières sont donc en permanence sous tension. Elles reproduisent le rythme de l'usine à la maison, dans le travail domestique. Par ailleurs, Daniel Cargoat relève dans Les Ouvrières qu'elles ne peuvent plus supporter leurs enfants. Elle note alors qu'un fort sentiment de culpabilité vient s'ajouter aux tensions auxquelles elles sont déjà soumises. Et c'est en effet en fait ce qu'expriment donc des ouvrières en lutte de la CIP, Construction industrielle du Pas-de-Calais, qui note dans un couplet de leur d'une de leurs chansons, constitue aussi une source privilégiée. Donc, on a les nerfs tout détraqués, c'est pas la joie, c'est pas la joie. On ne peut plus rien supporter, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Et d'ailleurs, dans Antoinette, donc, une ouvrière raconte la solution qu'elle a trouvée pour faire face à cela. Mes enfants, je les laisse toute la semaine chez la gardienne, je ne peux pas les prendre chez moi, je suis trop énervée. Donc ça, c'est en 1980. Donc les diverses revues que j'ai étudiées pour le moment et qui évoquent les ouvrières donc datent de la fin des années 68. Dans les cahiers de mai, il n'est pas fait référence s'agissant de la nervosité des ouvrières à la double journée de travail, mais c'est probablement parce qu'ils correspondent au début des années 68, au début de l'émergence du mouvement féministe de la deuxième vague. Concernant Antoinette, on constate que c'est à partir de mars 1973 que le lien est fait entre la fatigue nerveuse liée aux conditions de travail et les effets que cela produit dans la sphère domestique. Dans ce numéro, de mars 1973, le mensuel souhaite faire un compte-rendu abrégé d'un colloque organisé par Antoinette le 9 janvier précédent sur les conditions de travail des ouvrières, vérité et solutions. Il est donc fait référence à l'intervention du docteur Laville, qui évoque donc les effets de la fatigue nerveuse sur la vie sociale, la vie familiale, et d'autant plus chez la femme qui, ayant des responsabilités familiales, retrouve du travail chez elle. Propos repris tel quel de la publication qui fait suite au colloque, tel quel dans l'article de l'entreprise. Alors le troisième élément d'explication, donc tu peux répondre à la question de savoir pourquoi les femmes font des prisonnières, c'est que les stratégies de travail des ouvrières font que ce mode d'expression fonctionne. Donc si les conditions de travail et le travail domestique donc, conduisent à des modes d'expression de la souffrance différenciée, il ne faut pas oublier les stratégies de défense, donc qui sont des stratégies inconscientes pour tenir au travail et éviter de souffrir, que les hommes et les femmes construisent. Donc Christophe Dejour explique dans Travail usure mentale que les décennies de taylorisme et de fordisme du début du XXe siècle avaient déjà pu pousser les cadences infernales jusqu'au point de rupture, entre parenthèses, avec des crises de nerfs chez les femmes, des colères collectives chez les hommes. Si les manifestations sont différentes parce que le travail n'est pas le même, on remarque que Christophe Dejour établit une symétrie entre les crises de nerfs chez les femmes et les colères collectives chez les hommes. Les premières seraient spontanées et individuelles, tandis que les secondes seraient plus construites plus que collectives. On peut supposer que c'est justement parce qu'elle est perçue comme spontanée et individuelle que la crise de nerfs est utilisée par les ouvrières. En effet, comme le souligne Pascal Molinier, les stratégies de défense des femmes sont souvent fondées sur la compassion, la compréhension, tandis que le contrôle de soi, la capacité à endiguer, maîtriser ses émotions, le déni de la souffrance, constituent les stratégies de défense des hommes. Si la crise de nerfs, c'est l'échec donc, de la stratégie de défense, ce n'est pas anodin qu'elle se produise à l'usine. On peut donc en déduire qu'elle est adressée. Elle est adressée au chef d'une part et aux collègues d'autre part. Au chef, c'est alors une façon de signifier l'impossibilité de continuer en s'appuyant sur leur représentation. C'est quelque chose qui peut les amener à se dire c'est un comportement de femme, donc c'est normal, elle n'est pas en train de berner, c'est juste parce que c'est une femme. Aux collègues, l'adresse aux collègues, ça signifie aussi l'impossibilité de continuer et s'ajoute sur les stratégies de travail des femmes qui s'appuient sur la compassion. On voit d'ailleurs comment les collègues se précipitent sur l'ouvrière en quoi la prisonnière dans le film. Cela fonctionne parce que les autres peuvent ressentir la même chose, et ce parce que le travail, la situation de travail est partagée. En outre, les cahiers de mai notent qu'il pouvait arriver que les travailleuses de la chaîne elles-mêmes engueulent une de leurs camarades lorsqu'elles n'arrivent pas à suivre les cadences. En proie à une crise de nerfs, l'ouvrière se protège parce qu'aucune de ses collègues ne peut plus rien lui dire. La crise de nerfs d'une ouvrière devient donc un moyen d'expression possible, puisqu'il ne peut être reproché par le chef et qu'il est reconnu par les autres ouvrières. Tandis qu'on ne peut quantifier donc la charge mentale, le stress, la fatigue nerveuse dont sont victimes les ouvrières, la crise de nerfs devient un élément tangible des conséquences des conditions de travail. En l'utilisant, on désigne, on nomme les implications de l'organisation du travail. La crise de nerfs devient en quelque sorte une preuve. Dans les cahiers, par exemple, dans les cahiers de mai, par exemple, on peut relever le résultat de cette pression continuelle pour l'accélération de la production, c'est l'épuisement des ouvrières. Beaucoup d'entre elles prennent des calmants pour tenir le coup. Les crises de nerfs sont fréquentes, surtout en été avec la chaleur. Et c'est d'ailleurs une des choses dont se souviennent non seulement les ouvrières, mais aussi les mécaniciens. Et là, je renvoie aux deux vignettes que j'ai mis dans la feuille que j'ai distribuée, qui vient donc des mauvaises gens, en fait, une bande dessinée qui raconte l'histoire des parents de Étienne Lavandeau qui se sont engagés donc, à la JOC, puis à la CFDT, etc. Et donc, c'est assez surprenant de retrouver ça dans cette bande dessinée. Et ça montre à la fois donc comment la crise de nerfs porte en elle les souffrances accumulées et comment en fait elle constitue une illustration tangible de ces souffrances. C'est une façon d'expliquer en fait les cadences soutenues auxquelles il fait référence dans la première vignette. Donc la crise de nerfs peut alors devenir un outil de revendication. Comme je l'ai déjà évoqué, le regard de la société, en l'occurrence ici de l'usine par l'intermédiaire de la hiérarchie, veut que le symptôme que pourrait représenter la crise de nerfs soit nié pour que le travail ne soit pas mis en cause. La crise de nerfs devenant un comportement typiquement féminin, il n'y a aucune raison de soupçonner les conditions de travail difficiles. Donc, on vient d'expliquer comment donc, les ouvrières en proie à des crises de nerfs s'adressaient au collectif. Je vais maintenant évoquer son appropriation collective par l'ensemble des ouvrières qui, collectivement, cette fois, retournent le stigmate. À deux nouvelles reprises, donc d'un coup pour coup, dans la suite du film, il est question de la crise de nerfs. Lors de la réunion probablement politique qui suit la séquence étudiée, une ouvrière dit, je cite, « C'est comme nous au tissage, la semaine dernière, à cause des cadences aussi, on a eu plusieurs crises de nerfs. » Puis, à la fin du film, s'adressant au patron qui est séquestré, une ouvrière revient sur les revendications de la grève ainsi, « Le responsable de nos malheurs, le voilà. Les filles qui se trouvent mal par la chaleur qui tombent de crise de nerfs, on n'a même pas le droit d'aller pisser et tout ça pour qui ? Pour un salopard comme lui. » Donc de manifestation individuelle, la crise de nerfs devient un élément significatif de l'exaspération en cours. L'arrêt de travail consécutif le montre, tout comme la façon dont la dénomination de crise de nerfs est utilisée par les ouvrières. Ce n'est plus une ouvrière qui fait une crise de nerfs, mais une manifestation qui relève du « on », du « nous ». Le langage est ici révélateur du fait qu'il existe une représentation collective de la contrainte corporelle que provoque la crise de nerfs. Ainsi, les ouvrières répondent collectivement au catalogage systématique de ce comportement considéré comme naturel chez les femmes. Elles s'appuient sur la dénomination de crise de nerfs, mais elles la détournent pour en faire un symptôme collectif de la violence vécue au travail. Elles rendent ainsi visible ce qui ne l'est pas, la souffrance au travail. Elles utilisent alors la crise de nerfs comme outil de revendication. Donc, dans un tract de la CGT et de la CFDT de chez Chantel, qui date de 1981, il est question de ce qu'engendrent les bons et loyaux services dans la société, et il est alors listé crise de nerfs, accouchement prématuré, maladie, détérioration de la vie familiale. Il est intéressant de noter les liens faits entre la souffrance physique et mentale et la détérioration de la vie familiale. Cela renvoie à ce qu'on évoquait plus haut. Donc, les conséquences sont probablement non hiérarchisées et correspondent plus probablement à la fréquence des manifestations. La crise de nerfs est donc à la fois un symptôme des conditions de travail, mais aussi un outil pour revendiquer de meilleures conditions de travail, puisque c'est une preuve de la souffrance à laquelle conduisent les cadences, etc. Les syndicats tentent donc d'utiliser la crise de nerfs dans l'action revendicative, mais souvent, c'est de manière spontanée que la crise de nerfs est non seulement réappropriée par les ouvrières, mais déclencheur de grève. Et les syndicats, en fait, n'ont que peu de prise sur le mécanisme, ils s'y associent après coup. Enfin, Donc c'est le cas, par exemple, à la SPI, à Fougères, donc la Société Parisienne de l'Ingénierie Industrielle, en 1972. On peut lire dans un texte écrit par les ouvrières la manière dont la lutte a débuté. Je cite « Le 9 novembre 1972, une de nos camarades d'atelier est tombée en crise de nerfs. Par solidarité, nous avons cessé le travail et nous avons décidé, en Assemblée Générale, d'arrêter les cadences et de refuser aussi les contrôles individuels. Finalement, la crise de nerfs subie déclenche une solidarité active qui trouve son expression dans la grève. Le cas de la SPIC Fougère ne semble pas isolé, puisqu'en effet, lors d'une interview, André Avrial, alors permanente syndicale de la Fédération Equitex de la CFDT, généralise ce mécanisme et elle dit, je cite, « Une crise de nerfs de l'une d'elles, et c'est la grève, d'autant plus rapide et dure qu'elles ont subi longtemps sans rien dire. » Cette phrase est révélatrice du fait que si une ouvrière qui explose à un moment donné les conditions de travail, si c'est une ouvrière qui explose à un moment donné, les conditions de travail sont en fait leur lot à toutes, et celle qui craque aurait pu être une autre, puisqu'elle vit des situations de travail similaires. On retrouve ce phénomène donc chez Chantelle dans une période probablement postérieure aux années 68, donc ça je vous l'ai mis en extrait. Donc il s'agit de Annie Guillaumard, qui est déléguée du personnel pour la CGT, qui raconte dans un entretien réalisé en 1994 pour un film Rue des filles de chez Chantelle, donc pas par moi non plus, et que j'ai récupéré dans les sources du CHT. Donc elle dit, on a fait une autre action une fois pour Josette M, je te dirai pas la date non plus, et pour Johan qui faisait du sanglage. Le sanglage, c'est le biais sous l'armature de soutien-gorge. Il y avait un problème parce que c'était pas au point. Alors un matin, ça durait déjà depuis quelque temps, les filles, il fallait qu'elles fassent quelque chose après, qu'elles fassent à quelque chose près, à leur idée, pour le mieux. Donc un jour, ça a éclaté. Josette M a piqué une prisonnière un matin, tout le monde s'est arrêté de travailler, tout le monde. Comme ça, d'un seul coup, oui, ça pouvait plus durer, le problème n'était pas réglé, donc on est allé voir la direction. Eux, ils ne pouvaient rien faire, ils ne peuvent jamais rien faire, c'est des bons à que dalle. Obligés de faire venir l'inspection du travail, et avec l'inspection du travail, on a commencé à discuter sur le problème du sanglage, et puis ça s'est réglé, ça a été instantané. Crise de nerfs, la fille se roulait par terre, c'est des collègues de travail, tu vis là depuis 20 ans avec elle, tu ne peux pas laisser les choses faire. Tout le monde a arrêté, c'est pour ça qu'ici, il y a quand même une solidarité importante. Dans cet extrait, il est intéressant de noter d'abord que ce qui a déclenché la crise de nerfs, c'est le fait que les filles, il fallait qu'elles fassent à quelque chose près à leur idée. Donc ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur le fait de la charge mentale, le fait de décider, le fait de gérer des imprévus, etc. Et ça renvoie au film, au fait qu'elle a pris du retard parce que sa machine est en train. Et donc elle décide, elle pallie. Ce qui n'est pas prévu par le bureau des méthodes et ce qui ne compte pas dans le temps. Ensuite, ce qu'on note, c'est que donc, la crise de nerfs a conduit à un arrêt de travail immédiat par solidarité pour deux raisons. Parce que, un, ce sont des collègues de travail, sous-entendu, ça pourrait nous arriver aussi. Et deux, on les connaît depuis longtemps, sous-entendu, on est proches. Annie Guillaumard est déléguée du personnel, donc, comme je le disais, de la CGT. Elle prend avec d'autres en charge le problème et elle trouve le moyen de le résoudre, mais seulement après l'arrêt de travail collectif, alors qu'elle savait, puisqu'elle lui dit, dans l'extrait que je donnais, que le problème se posait depuis un certain temps et qu'elle aurait pu tenter de le résoudre avant. L'arrêt de travail collectif est donc une réaction spontanée des ouvrières en solidarité, et cet arrêt se fonde sur l'affect, je renvoie tout à l'heure aux stratégies de défense, enfin, aux stratégies de travail et stratégies de défense que j'évoquais, en quelque sorte. Alors, autrement dit, donc, comme je le soulignais, il existe avant la crise de nerfs, une communauté de ressentis qui ne se sait pas elle-même liée à des situations de travail partagées. En fait, la crise de nerfs permet l'institution de ce collectif sous-jacent en collectif conscient, intentionnel, et c'est finalement la compassion, la compréhension qui permet le passage de l'un à l'autre. Nous avons donc pu observer diverses écritures de la crise de nerfs. Donc l'écriture cinématographique a permis de montrer comment la crise de nerfs est devenue une souffrance mentale accumulée. Les revues féministes comme les cahiers du féminisme et les chansons, qui étaient des extraits des pétroleuses en fait, enfin, à mon avis, on peut retrouver ces chansons-là ailleurs aussi. Relie les comportements des ouvrières à la maison, à leur nervosité, leur crise de nerfs au travail. Tandis que donc, les cahiers de mail évoquent souvent comme preuve des conditions de travail, de la même façon que dans la BD, dans la bande dessinée, pardon. Enfin, les organisations syndicales l'utilisent comme outil de revendication pour dénoncer les conditions de travail. L'ensemble des écritures de la crise de nerfs ont donc des fonctions différentes. Et pour terminer vraiment, si elle est donc difficile à dater précisément, la crise de nerfs est probablement une forme de maladie transitoire. En effet, s'il arrive encore qu'il soit fait référence à la crise de nerfs aujourd'hui, maladie transitoire, l'idée qu'elle n'existe plus vraiment, mais qu'elle est liée aussi à un stigmate, un peu comme les hystériques de Charcot, c'est un peu cette idée-là. Donc aujourd'hui, il est plutôt beaucoup fait référence. On parle davantage de spasmophilie en fait. Intéressant de voir le suicide masculin. Il y en a qui vont être étonnés, c'est pas Rachida Dati. Et mais... alors, pour prolonger ce travail, on pourrait. Concernant les conditions de travail des ouvrières, étudier donc, l'émergence des troubles musculosquelettiques et en particulier du canal carpien, dont les ouvrières sont souvent victimes, et dont il a été dit au départ que c'était à cause de la ménopause, puis que c'était à cause du tricot, enfin bon, c'est une chose assez révoltante. Et donc on pourrait voir du coup, les écritures qui ont accompagné l'émergence de ce phénomène et leur fonction. Merci.